je ne sais plus, je ne sais pas. Mais tu frappes, plus je rappe, je te laisserai plus jamais le dernier clash, même si l'inspiration parfois m'échappe. Quand j'y repense, je voulais juste tenter ma chance. Certes, je ne ressemble pas à Miss Beauté de ton magazine stéréotypé. Certes, j'avance encore beaucoup à apprendre. Mais tu verras un jour, je vais te surprendre. Tu n'as pas cherché à me comprendre, mais tant pis, je ne sais me défendre. Quand j'y repense, j'ai peut-être été trop optimiste de croire qu'on m'aurait soutenu sur ma piste. Une pluie diluvienne d'insultes inonde mes mots. Alors je voulais sensibiliser la pauvreté du Sénégal et ses mots. Je ne sais plus, je ne sais pas, mais plus tu frappes, plus je rappe. Je sais que le vent tournera un jour, je m'accroche à mes rêves toujours. Je suis une citoyenne de France, avec mes droits et mes devoirs et mes chances. J'ai ma liberté de tenter mes espoirs. Tu as la liberté de ne plus me revoir. C'est facile d'user de la méchanceté derrière un écran, loin de ma réalité. Mais méfie-toi qu'un jour je perce ma force de préférence et ses tests. Ce serait une belle leçon de donner à la cruauté gratuite de tous ces névrosés. Je ne sais plus, je ne sais pas, mais plus tu frappes, plus je rappe. Mais si des radios se sont pris de moi, je sais qu'aujourd'hui je ne suis plus rappeuse que toi. Quand je pense à cette histoire société que vous formez là, derrière des masques hypocrites et de ces relâches, je me sens valorisée finalement à côté de toi, car je ne sais que j'ai un cœur pour aider les plus faibles que moi. Que moi. Je ne sais plus ou je ne sais pas, mais plus tu frappes, plus je rappe. Je ne me prétends pas être une reine, mais je veux juste être moi et demeurer sans peine. Qui es-tu pour juger ou dicter ma vie? Pour qui tu prends-tu, Jésus ou Moïse? Un conseil, sort du cercle de tes préjugés qui ne laissent pas de libre arbitre pour bien critiquer. Je dédique à ces mots et ces notes à tous ceux que l'on a souillé et parfois poussé jusqu'au suicide ou à une dépression aggravée. Mais tu vois, moi, plus tu frappes, plus je rappe, je chante avec ma foi. Et tant pis si tu n'aimes pas, c'est du pareil au même. Je me bats pour les faibles, les gens et les quelques femmes qui m'aiment. Tu vois, ma vie, je peux le réussir sans toi. Alors ne perds pas ton temps et pars-toi.